En ce dernier mardi de septembre, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre John Boy Singfield qui parlera de son exposition à vue photo. Également, une nouvelle collaboratrice, Audrey Caro, viendra nous faire une tournée des magazines en art visuel. Alexandre David viendra nous parler de son exposition qui est présentée à l'œil de poisson où il a créé comme une sorte de nouvel espace, je vous dirais, une architecture à l'intérieur de l'architecture. Là, on aura la revue de presse de Raymond Poirier et bien sûr, le tout sera ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonjour Simon. Bonjour. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Un album vraiment spécial, une belle petite découverte que j'ai faite. C'est donc, on pourrait dire, c'est une symphonie pour sécheuse préparée. L'artiste s'appelle Scott Lalor, il vient de la ville de Corinth aux États-Unis. Puis ce qu'il a fait, ben, il a pris sa sécheuse, puis il a mis différents objets à l'intérieur, il a fait partir la sécheuse, puis avec différents filtres électroniques, différentes manipulations, il produit des drones avec ça. Donc, la première pièce, ça va être de l'argenterie dans une sécheuse. Ensuite de ça, c'est des supports à manteau en plastique. Ouais. Dose spécifiquement. Fait que c'est ça, c'est vraiment musique ambiante, drone, vraiment plaisante avec percussiste, mais qui sonne comme des drones. Ah ouais, ben écoute, ça pique la curiosité. Oui, fait que c'est sur l'étiquette Petroglyph Music, une excellente étiquette de musique expérimentale. Voilà, donc nous on t'écoute le dimanche soir à CKRL. Oui, toujours pour la musique à 19h. Voilà, donc tout de suite on écoute un extrait de choix de Simon, on écoute 11 Pieces of Silverware sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Que se passe-t-il, Raymond? Ben, notamment, il y a la Biennale de Montréal qui a lancé sa programmation sous le thème « L'avenir, looking forward ». Donc, la Biennale qui débute le 22 octobre prochain, qui se poursuit jusqu'au 4 janvier. On met de l'avant, notamment, dans les communications autour de l'événement sur la collaboration qui est née autour, justement, d'édition 2014 de la Biennale. Collaboration entre le Musée d'art contemporain de Montréal, 13 autres sites d'exposition, un parcours dans le centre-ville de Montréal, des partenariats avec le quartier des spectacles, avec le quartier de l'innovation, la gare centrale, Place Ville-Marie, etc. Donc, on dit, mais regardez, on occupe l'espace urbain, on va prendre la place dans le quotidien là, des Montréalais, dans des lieux qu'ils fréquentent régulièrement. On va amener l'art, évidemment, à se positionner dans ces lieux-là. Donc, c'est vraiment l'élément qu'on met de l'avant. Évidemment, en parallèle, des nombreux artistes qui y seront. On parle quand même des travaux de 43 artistes qui vont être présentés dans le quartier général générale du lieu. Évidemment, il y en a un peu plus aussi qui s'ajoutent. On parle quand même de 150 œuvres, une cinquantaine d'artistes québécois, canadiens, internationaux, 14 sites globalement. Donc, une programmation qui a été mise de l'avant par les commissaires concepteurs Gregory Burke et Peggy Gill, de même que les conservateurs Leslie Johnstone et Marc Langteau. Alors, de manière générale, on parle quand même là, de... En fait, je veux dire, je les énumérerai pas les 43. Non. On peut les trouver sur le communiqué. On relaie d'ailleurs le lien vers ce communiqué-là qui a pratiquement une dizaine de pages. Donc, sur le site de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, c'est quand même assez vaste, assez varié, là, évidemment, côté contenu et le reste. Et avec la plupart des lieux montréalais de diffusion artistique qui y participent. Alors voilà pour ce clin d'œil. Et si on reste dans le coin de Montréal, tiens, il y a eu dévoilement des finalistes du prix Powerhouse édition 2014. Alors, les finalistes sont Manuela Lalique, René Lavaillante, Dana McLeod et Jake Moore. Alors, on parle d'un prix qui vise évidemment à reconnaître travail en art, un prix qui est propulsé par la centrale. Et donc, c'est un vote des membres, en fait, qui détermine le récipiendaire. Et c'est un jury qui choisit les quatre finalistes. Sinon, on parle beaucoup, je sais pas si c'est l'autre septembre, mais à chaque semaine, on dirait qu'il y a des nouvelles nominations à gauche et à droite. Ouais. Cette fois-ci, c'est au Musée des Beaux-Arts du Canada, en fait, une nouvelle conservatrice de l'art canadien. Donc, Katerina Atanasova, qui aura la responsabilité de développer les collections nationales de peinture, sculpture, d'estampes et de dessins, de même que des arts décoratifs antérieurs à 1980. Donc, Madame Atanasova était directrice des expositions et conservatrice en chef de la commission McMichael d'art canadien à Klingberg. Elle va rentrer en fonction en décembre prochain au Musée donc des Beaux-Arts du Canada. Sinon, en fait, je suis tombé sur ce notule-là dans une rubrique de la presse. J'ai trouvé ça intéressant, puis c'est sincèrement, je ne le savais pas. Mais si, exemple, tu avais un bureau et tu aurais envie d'avoir une œuvre de Riopelle, et tu as un budget annuel, mettons, de 3 000 $, mais tu pourrais avoir une œuvre de Riopelle dans ton bureau. Okay. Donc, c'est la banque d'œuvres d'art du Conseil des arts du Canada. 17 000 œuvres de 3 000 artistes canadiens. Et l'article dit, regardez, c'est le secret le mieux gardé de l'art contemporain au Canada. Donc, l'idée, c'est essentiellement de rendre disponible cette collection-là à un coût annuel qui varie selon le type de pièce, entre 120 $ et 3 600 $ de location annuellement pour une pièce. Ah ouais, on se retrouve donc avec des œuvres dans le bureau. Et on dit, exemple, pour 1 000 $ par année, un bureau peut se payer plusieurs petits formats d'artistes quand même assez connus. Peut aussi avoir une variété. À chaque année, on change, on diffuse d'autres types d'œuvres. Et vraiment, c'est un organisme qui est là justement pour favoriser, dans un contexte corporatif, la diffusion d'œuvres et de chefs-d'œuvre de l'art canadien. Alors, intéressant. Sinon, dernier clin d'œil, je dois avouer, je savais pas trop quoi en faire, mais je me suis dit, on va quand même le mentionner. C'est l'artiste Kim Waldron qui se lance le plus sérieusement du monde en politique fédérale. Alors, elle travaille à être candidate indépendante dans la circonscription de Papineau. Elle travaille à mettre déjà en place sa nouvelle image de politicienne avec des pacarons, des pancartes et le reste. Elle a un local, donc une dynamique de campagne qui, d'un côté, intègre l'idée véridique, véritable de candidature aux élections et dans l'espoir d'être pas nécessairement élu parce que Papineau, ça reste le secteur de Justin Trudeau. Ouais. Mais elle dit, regardez, si on donne déjà quelqu'un gagnant et qu'il y a personne de qualité qui se présente contre lui, où s'en va la démocratie si les gens veulent pas se lancer par peur de perdre? Alors, il y a cette volonté-là. Mais en parallèle, il y a aussi une espèce de dynamique artistique et rétrospectif dans la mesure où son plus récent projet s'appelle Public Office, une exposition pop-up dans les environs aussi de cet espace-là, où elle profite de cette idée de campagne pour, d'un côté, lancer une biographie à caractère monographique, donc qui revient sur son travail d'artiste antérieur, et en parallèle, une dynamique aussi d'exploration artistique de la chose politique. Donc, ça fait une dynamique assez métissée, assez particulière. Donc, un projet qui est bien détaillé dans Le Devoir, mais qui est assez particulier et intéressant, disons-le comme ça. Ça s'inscrit, en fait, dans le travail de Kim Waldron. On l'avait vu quand il y avait eu l'exposition, je pense que c'était La Colonie, pour célébrer le 25e anniversaire de L'Œil de Poisson. Elle avait fait, c'était quelque chose, je pense qu'elle avait déjà fait à Terre-Neuve, mais qu'elle a refait au Québec. Donc, prendre un animal, le tuer pour le manger, photographier le processus, empailler la tête de l'animal et tout. Là, je sais qu'il y avait eu un festin, là, dans ce contexte-là. Donc, elle a quand même une pratique assez immersive, performative aussi. Alors, ça rentre dans ce caractère-là, c'est ça. Et l'article joue avec ce métissage-là, justement, où on passe d'un côté sur les velléités artistiques du projet, de l'autre côté sur une certaine sincérité citoyenne aussi autour de ça. Donc, il y a un peu ces deux dimensions-là dans l'initiative. Alors, en fait, l'article complet dans Le Soleil est relayé, évidemment, sur le blog aussi de l'aérospatiale. Je dirais qu'on met pas mal ça dans le dessus de notre pile de dossiers à suivre, là, parce que ça va être prochainement qu'on va voir ce qui va en être. Je suis bien curieuse de voir aussi comment les médias vont traiter ça, comment ça va être perçu. Si les médias les traitent. Oui, effectivement. Si on en parle. Voilà. On le souhaite. On le souhaite ardemment. Raymond, on t'entend à La Vie en BD vendredi. Oui, on passe une heure avec le West Random. Ah bon, mais quand même, c'est quand pas même. Rien. Donc vendredi à 17h30. On s'en va en pause audio, on écoute littéralement 12 cintres de plastique de Scott Lawler. On est de retour à l'aérospatiale. Je vous avais annoncé Alexandre David, on aura plutôt avec nous, on change notre horaire, on aura John Boyle Singfield. Bonjour. Bonjour. John, t'exposes à Vue Photo. T'exposes à Vue Photo. Donc, une exposition éponyme? Oui, sans titre. J'ai décidé de juste exposer les œuvres. Pas de titre. Pourquoi? J'aurais pu appeler ça de plein de façons différentes, mais je voulais garder le contexte extrêmement simple pour prendre le plus de donner le plus d'espace à mon projet, en fait. Le pas le teinter d'une façon ou d'une autre. Fait que j'ai juste décidé de prendre mon nom. OK. Puis le projet, dans le fond, c'est le résultat d'une résidence de création que tu as faite à Vue. Je serais curieuse de voir, c'était quoi ton intention de départ versus ce qui est advenu, finalement, de l'exposition? Mon intention de départ, elle n'a pas énormément changé. Ça a commencé avec ma recherche sur les filtres Instagram, de l'application populaire qu'on connaît. Puis je voulais vraiment en fait travailler sur l'espèce de nostalgie instantanée que les filtres Instagram peuvent apporter chez leurs utilisateurs, comme une espèce de façon un peu anodine de réaliser cette nostalgie-là ou une valeur quelconque pour imiter en fait des vieilles photographies, rendre l'image anecdotique. D'une certaine façon présente, mais d'une façon superficielle aussi. Ouais, pour... je trouvais que... Oui? Oui, vas-y, vas-y, je m'excuse. Mais je trouvais que c'était vraiment un phénomène intéressant en photographie aujourd'hui. Puis j'ai décidé, j'essayais de trouver une façon la plus claire puis la plus simple de représenter ce phénomène-là. Puis finalement, j'ai décidé de carrément isoler les filtres Instagram, de les imprimer en gros pour ma résidence à vie. Fait que dans le fond, tout ce qu'on voit, c'est les effets de ces filtres-là, donc sur un mur blanc, finalement. Oui, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est extrêmement simple. J'ai pris une image blanche que j'ai rentrée dans mon téléphone, puis j'ai ressorti 14 filtres d'Instagram que j'ai imprimés en gros. Fait que c'est comme des espèces un peu d'œufs toutes faites, comme de ready-made, qui représentent un peu cette espèce de filtre-là très superficiel, mais en même temps que pour moi qui a une profondeur assez intéressante par rapport à ce qui se passe par rapport à l'image aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai l'impression que ce que tu mets de l'avant, c'est justement le vide ou l'apparat derrière ou devant, en fait, qui cache une forme de substance. Finalement, on prend des photos puis on va choisir le plus beau filtre. Mm-hmm. C'est l'effet de la photo plutôt que son sujet, son objet ou son importance finalement qui va prédominer. Oui, c'est ça. J'ai vraiment essayé au lieu de créer un sujet ou de représenter un sujet, j'ai vraiment essayé plus de souligner le support en fait dans lequel on produit ces images-là, puis de la façon aussi qu'on les distribue. J'étais plus intéressé à révéler comme la structure de la production des images qu'on fait souvent sur un téléphone. Puis pour moi, les filtres Instagram, c'était quelque chose de vraiment intéressant par le fait que j'expliquais tantôt, mais aussi parce que c'est un rappel aussi à l'histoire de l'art, à l'histoire de la photographie. Puis c'est un peu pour ça que j'imagine Dieu m'a approché. Même si j'ai aucune image photographique, techniquement parlant, dans l'exposition, ça traite énormément de la photographie, son histoire. Puis ça fait des rappels aussi graphiques très très évidents au modernisme, au minimalisme. Mais tout ça dans un cadre extrêmement artificiel, disons superficiel, que les filtres comme amène, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la profondeur de la réflexion des artistes minimaux. Là. Ça, c'est... Ouais. Mais c'est visuellement... visuellement c'est un peu la fausse vérité. Là, c'est comme une espèce de normalement, dans l'histoire, c'était plus la pureté de la forme et tout ça, mais moi, j'étais vraiment dans un esprit de représenter en fait quasiment le contraire, en fait, la superficialité de ces supports-là qui nous aident à produire des images aujourd'hui. Puis des images, en fait, on utilise ces filtres-là pour donner un caractère unique à des images qu'ils sont déjà, mais finalement, il y en a quoi? Il y en a une dizaine, je pense, des filtres? Il y en a à peu près, de mémoire, je pense qu'il y en a une 19. OK. Quinzaine, à peu près. Puis oui, c'est comme une façon d'exprimer une individualité ou aussi, comme je disais tantôt, de réaliser les propriétés que la photographie a un peu perdues avec le temps parce que, bon, à l'époque, on regardait, par exemple, on fait toujours aujourd'hui, mais on regarde une photo de notre mère qui était jeune, une vieille photo, puis on a un ressentiment quelconque. Mais aujourd'hui, on prend tellement d'images puis de photographies, on peut en prendre 3, 4, 500, 1000 photos par année, même plus. Donc, toute cette relation-là nostalgique a du mal à prendre son temps à se développer, donc la valeur des images. Donc, j'imagine que Instagram est venu pour combler un besoin d'artificialiser comme de ce processus-là qu'on a besoin, j'imagine. Oui, puis la photo qui est tellement automatique maintenant, ben voilà, on applique automatiquement un filtre sans même y penser, on se questionne plus. C'est drôle parce que j'ai vu ton exposition, puis deux jours avant, je parlais à mon copain, il avait pris une photo, puis il avait mis un filtre dessus, puis je disais, elle est tout aussi bonne sans. Je trouve pour une fois, c'est le fun d'avoir une photo sans filtre. Et finalement, il a choisi de garder le filtre quand même parce que ça servait ce qu'il voulait faire finalement avec sa photographie. C'est tellement répandu que ça en est banal là, finalement. Oui, puis c'est un beau discours, par rapport à la substance de ce qu'on veut mettre sur l'image. Tu sais. ça réfère beaucoup aux produits qui ont émergé comme dans les années 2000, comme le t'sais, l'alcool sans alcool, le sucre sans sucre. Maintenant, ouais. on imite des processus de solarisation, des vieux processus de photographie, des vieilles technologies pour réaliser encore comme une espèce de valeur ou une nostalgie ou une propriété comme ou une idéologie, en fait, de la réactualiser pour être capable de continuer à reproduire ces images-là ou à en produire encore plus. Pour moi, c'est très intéressant comme comportement, puis c'est aussi très étrange, puis j'ai pas des réponses, mais je voulais quand même l'exposer comme ça. C'était pas la première fois que tu t'intéressais au filtre, hein, parce que tu as fait un film, je me rappelle pas la durée, le film d'avant-garde, dans lequel tu appliques des films qui donnent des effets, justement, de vieux films à une image qui te montre devant ta webcam, finalement. Là, c'est une image c'est un très quotidienne, mais là, oui. C'est comme une... C'est un peu la genèse de ce projet-là, en fait. J'avais fait cette vidéo-là en 2012, puis j'étais un peu dans les mêmes questionnements. Je me demandais, tu sais, bon, des vidéos qui sont au Musée d'art moderne de New York, Fluxus, où est-ce que des gens montrent leur derrière, des mêmes vidéos comme ça, sur qui, en fait, racontaient la science publique, ce qu'ils sont vieux, puis ils essayent de pour trouver une séance perdue. Je faisais cette technique-là aussi pour faire la vidéo. Puis tu disais, ce sont devenus des outils universels à propos des filtres, ce sont devenus des outils universels de création et de valeur esthétique, mais qui tournent à vide, là, c'est vraiment pleinement le cas aussi, là, dans l'exposition. Exactement. À vue, en plus, la forme circulaire, je trouve qu'on la voit bien, justement, dans ces filtres-là. Oui, puis je trouvais ça intéressant parce que, bon, par rapport à ces œuvres que j'avais pas vues en vrai, je les ai vues à peu près 72 heures avant le vernissage. Ah ouais. Parce que ils sont fait imprimer à vue. J'étais très content parce que ça faisait pas juste rappeler, en fait, l'histoire de la photographie, mais par rapport au cercle, au brûlure, pour moi, ça me rappelait des peintures de Rothko ou de Toulignan. Puis, encore une fois, c'était utilisé comme l'art, les beaux-arts, tu sais, comme véhicule, mais en insérant quelque chose dedans qui est extrêmement désubstantialisé, mettons, et qui souligne un peu l'espèce de l'idéologie de notre génération de tout le temps vouloir utiliser ces filtres-là pour X ou Y raison. Voilà. Ce sont, en fait, moi, je dirais, je suis rentrée dans la galerie puis j'ai trouvé que c'était beau. En fait, c'est beau, ces formes-là, ces couleurs-là, en elles-mêmes, malgré tout, ça fonctionne. Oui, c'est l'ambiguïté que de l'exposition, c'est que ces images-là sont quand même belles. Moi, quand je les ai vues juste avant l'exposition, j'étais ravi. L'encadreur a fait un travail incroyable aussi. C'était génial. Puis il y a une qualité formelle qui se rapproche énormément des expositions qu'on pouvait voir dans les années 70 minimalistes. Je trouvais ça intéressant, cette ambiguïté-là, que si les gens rentrent dans l'espace, regardent l'exposition sans lire le texte, ben ça peut passer pour une exposition minimaliste très très dry, très classique. Oui, c'est ça, ça fait vraiment pictural. Ouais. Que finalement, si on lit le texte puis on comprend le contexte, on se rend compte que, en fait, c'est pas du tout une espèce de glorification de la forme, c'est un peu justement le contraire, pour souligner le fait que cette forme-là ou cette substance-là est un peu désubstantialisée pour nous permettre de réaliser l'économie des images aujourd'hui puis tout ça. Ben voilà. Et c'est tout le temps qu'on a, John Boy Sinkfield. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Donc, ton exposition est présentée à Vue Photo jusqu'au 5 octobre. On fait une pause. Au retour, on accueille une nouvelle collaboratrice, Audrey Caro. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique du monde avec Richard Desjardins, Alexandre Dacosta et Alexandre Etier. Laissez-vous émouvoir par la poésie de Federico Garcia Lorca lors du concert Soleil d'Espagne, rendant hommage à l'œuvre de ce poète ainsi qu'à la musique espagnole. Avec Richard Desjardins à la narration, Alexandre Dacosta au violon et Alexandre Etier à la guitare. Le 3 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Soleil d'Espagne, Vie et Poésie de Lorca. Détails au palaismontcalm.ca. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec, vous invite à sauter à pieds joints dans sa fabuleuse programmation 2014-2015. 12 œuvres chorégraphiques d'exception, sensibles ou radicales, parfois envoûtantes, souvent énergisantes, auscultent la condition humaine et témoignent de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez, l'Opéra National de Paris présente La Traviata. Pride. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Deux temps, trois mouvements. Trop l'emboîte. Tudor Nicole. Yves Saint-Laurent. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, les aventuriers voyageurs présentent La Route de Soie. Deux temps, trois mouvements. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. CKRL 89.1, Québec. Il est 18h, on écoute la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Gilles Gagné, toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Avant de poursuivre, je vous invite à aller sur notre site, l'aérospatiale.wordpress.com. Tous les liens pour le téléchargement gratuit des sélections audio de Simon Roy sont sur le site également. Les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier et l'émission est disponible en balado-diffusion si vous en manquez un petit bout ou que vous avez trouvé un moment particulièrement jouissif et que vous avez envie de réécouter. Ben, allez-y, c'est toujours plaisant. Et cette dame que vous venez d'entendre rire discrètement, c'est Audrey Carreau qui fait sa première collaboration à l'émission. Bonjour. Bonjour, bonjour. Audrey, tu m'as proposé pour ta première chronique une tournée des magazines en arts visuels. Tu t'es donné un gros défi, je pense, hein? Oui, vraiment beaucoup, parce que finalement, je me suis rendu compte que plusieurs numéros étaient sortis récemment. Donc, je vais essayer du mieux que je peux dans le temps que j'ai de vous en parler ici, puis de faire donner quand même un bon panorama de ce qui est disponible en ce moment ici. Et j'aimerais bien commencer avec la revue S, bien sûr, qui est bien connue, numéro 82, qui est dédié au spectacle. C'est la thématique abordée. Et Sylvette Babin, qui en introduction nous fait vraiment un tour là, assez intéressant du sujet. Bien sûr, quand on parle spectacle, on va parler Guy Debord, hein, avec son fameux livre « La société du spectacle ». Et dans le fond, c'est le numéro va nous amener hein, dans les articles consacrés à la thématique à, bien sûr, voir son importance, les proportions que ça a pris aussi dernièrement, mais en même temps de voir comment ce concept-là s'applique aussi au milieu de l'art contemporain, hein, cet appel au spectaculaire qui est de plus en plus important et qu'on pense là dans le day-to-day, bien sûr, à la télé-réalité, mais c'est vraiment applicable dans tous les champs, dont celui de l'art. Puis on sait d'ailleurs que il y a peu de temps, hein, quand même, on a eu des téléséries au monde des arts visuels, appliquées au monde des arts visuels, que ce soit aux États-Unis ou bien même là, ouais, là en ce moment. Les contemporains. Exactement, à RTV. Donc, il y a ça, mais il y a aussi toute cette spectacularisation autour des foires, des biennales, des expos blockbusters également aussi. On va faire des gros shows, d'en mettre plein la vue. Exactement, c'est ça. Donc, on est de plus en plus dans cette logique-là aussi dans le milieu de l'art. Et c'est un peu ce qu'elle nous évoque aussi. Et je dirais, un des gros points qu'on a, à vrai dire, il y a une certaine peur hein, aussi qui va avec tout ça au sein du milieu, que ce soit par rapport à l'appauvrissement du contenu, à l'affaiblissement du discours critique. Notamment, on voit aussi dans les journaux ou les autres médias la réduction des tailles, de la taille des articles, justement de la présence tout simplement des arts dans les journaux. L'absence de critique, hein, de plus en plus. Exactement, sens de critique. Et il y a toujours aussi cette espèce de dilemme-là à, oui, cette volonté d'aller vers une démocratisation ou, si on ne suit pas cette voie-là, ben d'être replié sur soi, ouais. Hein, d'être vraiment, de parler juste à son propre milieu, à soi-même. Donc, il y a ce dilemme-là ici. Et voilà, je dirais, c'est un peu là ce qu'elle évoque là-dedans. Elle propose aussi un petit topo sur comment les articles de cette thématique-là vont se questionner cette problématique-là, que ce soit de proposer une relecture de la société du spectacle, de Guy Debord, tout en passant au travers des enjeux sociaux, artistiques et actuels, mais aussi de voir en même temps quel est le potentiel du spectacle à créer des liens, ouais. Des liens sociaux, à inviter aussi à la médiation. Donc voilà, mais en même temps, bien sûr, il y a toujours la part de critique qui est associée à ce spectacle-là. Bon, voilà, c'est un sujet, je dois dire, qui m'a toujours passionnée. Ben j'ai oui, lu Guy Debord. On sent ton enthousiasme. Études, fait que c'est pour ça que j'y consacre un petit peu plus de temps, mais juste dire qu'il y a environ 7 textes sur la thématique qui vont de différentes façons aborder ça. Mais je voulais juste souligner la présence d'un texte aussi sur la spectacularisation dans l'art actuel autochtone, okay. Fait par Jean-Philippe Uzel de l'UQAM. Notamment, donc qui est assez pertinent, je dirais, intéressant aussi, puis qui s'intéresse à un phénomène que l'art autochtone, hein, qu'on n'a pas la chance beaucoup de voir ici à Québec. On a eu comme une couple d'expositions là, dans les derniers temps, mais c'est vrai qu'on en voit peu. Mais c'est ça, donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment un très beau dossier, honnêtement, et très intéressant à lire. Avec une page couverture magnifique. Oui, oui, exactement. Donc, je saute rapidement à Ciel variable, hein, c'est Vic qui s'intéresse à la photo. Et ici, petit scoop, j'ai eu la chance d'avoir en avant-première parce que le numéro sort demain et vraiment un numéro consacré à l'abstraction. Donc, très intéressant qu'on ait pu avoir juste avant la chronique ici d'avoir John Boyce-Hilfield en entrevue parce que justement, il est abordé, il est présent dans ce numéro-là. Si ma mémoire est bonne, non, on ne l'a pas, excusez-moi, c'est dans Inter. Ouais. Voilà. Mais enfin, on se questionne sur la photo analogique, comment elle peut prendre des formes abstraites, mais aussi comment elle remet en question l'image, hein, la vérité de l'image. Et voilà, donc ça remet aussi en question, si on peut dire, notre vraiment notre conception aussi de la photographie. Ben oui, c'est ça. Bien sûr, hein, que c'est pas toujours une image qui vient d'un appareil photo, mais qui peut être faite sur une surface photosensible. Donc, on a ça notamment avec, dans le portfolio de Thomas Ruff, qui est très intéressant, comment il se sert à vrai dire, qui revisite les photogrammes, mais de manière très actuelle, en utilisant là, un logiciel informatique 3D. Donc, voilà. Donc, plusieurs portfolios, Lorna Boer et John Knowles, Jacinthe Lessard-Elle également aussi, dans lesquels, bien sûr, on a leur portfolio, mais des textes qui s'y rattachent. Donc, vraiment, quelque chose de très pertinent par rapport aux expositions qui sont actuellement. Ben oui, c'est ça, vraiment. Jusqu'à vue, jusqu'au mois d'octobre. Voilà, début octobre. Et je voulais aussi ne pas passer sous silence une revue qu'on connaît très peu ici à Québec, la revue HB, qui est en fait une revue dédiée au dessin. Au dessin sous toutes ses formes, que justement tu peux voir en ce moment. Et c'est le défi que s'est donné Julie Tremble et Jonathan Demers, c'était de créer une galerie sur papier. une galerie d'art hein, sur papier, donc, qui est de consacrer vraiment essentiellement ce numéro-là au dessin. Pas ce numéro, mais cette revue-là au dessin. Donc, il n'y a que des images, donc mm-hmm. aucun texte, ouais. à part les biographies des artistes à la toute fin ou dans même dans le dernier numéro, dans un encart qui est accroché, annexé à ça. Donc, c'est très très intéressant, cette nouvelle façon d'aborder aussi la revue, mais de manière beaucoup plus visuelle. Oui, puis de laisser les images parler aussi, puis de garder notre rapport aux œuvres comme si on les voyait dans une exposition. Exactement. Donc, une galerie qu'on peut trimballer avec soi et qu'on peut montrer aussi à d'autres. C'est vraiment très beau, là. La qualité est superbe. Oui, c'est toujours un défi hein, dans ce genre de revue-là aussi, d'avoir la possibilité d'avoir un bon rendu sur le plan ouais. visuel pour les couleurs, ces choses-là. Bon, enfin, je dirais que le numéro 3 est aussi très intéressant, le dernier qui est sorti, qui propose une exploration donc entre des œuvres d'Amérique du Sud et d'artistes québécois. Donc, ils ont invité une commissaire tout spécialement pour ça, donc voir s'il n'y a pas des ponts aussi, hein, bien sûr, entre les artistes québécois et de l'Amérique du Sud. Donc, vraiment très intéressant de passer au travers de ça, puis de se demander aussi d'où vient chaque artiste ici. C'est donc, vraiment magnifique, sérieusement. Je ne la connaissais pas, cette revue-là, là, puis waouh! Ouais, et puis ils sont distribués hein, un peu partout là, dans le monde. Ils ont même, oui, ici on est il y a à l'œil de poisson, on peut se procurer à Québec seulement, mais à Montréal plusieurs points de vente, mais il y en a à New York, à Paris. Donc vraiment, c'est. J'imagine qu'on peut s'abonner sur Internet aussi. Non, malheureusement, non? c'est pas encore offert, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les points de vente. On fait notre tournée à Méduse, puis on. Et voilà. Donc très très très rapidement, Inter. Il faut quand même le mentionner aussi, qui nous propose un dossier sur le processus créatif et ses aléas. C'est par là, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avant la création d'une œuvre, ouais. bien sûr, les préparatifs, la question des dessins, des brouillons, des scripts, les croquis, bref, tout ce qui précède plutôt la création. Et on va voir ça au travers de différents artistes qui nous parlent de projets qui ont été réalisés. On va voir des dessins, des croquis, vraiment des éléments qu'on n'a pas accès aussi ben ouais. à, sur le plan visuel. Donc, autant les textes sont appuyés d'éléments visuels très intéressants là, auxquels on n'a pas accès normalement. Donc, il y a ça, et puis quelques topos à la fin. Bien sûr, on revient sur la manif d'art. Mais oui. Et également aussi un article d'Alain Martin-Richard sur le deux pièces qui étaient présentées au Carrefour de théâtre, le Icho et Cinq visages de Camille Brunel aussi. Donc, il aborde des concepts, comme on est passé d'un in real life, du concept in real life à away from keyboard, donc du virtuel qui désormais constitue la référence comme base, comme notre base pour parler du monde. Voilà. Hey, Audrey Caro, c'est un bel exercice. tu l'as très, très bien réussi. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Donc, on aura certainement l'occasion de se revoir bientôt. Oui. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute un extrait de l'album The Ambient Appliance Series 1 Symphony for Prepared Dryer. Voilà, l'émission est déjà rendue aux trois quarts, donc l'aérospatiale, bien entendu. Je vous l'avais annoncé un peu plus tôt dans l'émission. On le reçoit, Alexandre David. Bonjour. Oui, bonjour. Alexandre David, tu exposes ensemble à l'œil de poisson. Est-ce que c'est possible de nous présenter l'idée générale, de nous brosser un portrait un peu de l'expo ou de l'installation? Oui, en fait, au départ, c'était un projet de résidence, c'est-à-dire que l'œil de poisson m'a offert la galerie pour l'été. Puis donc, j'ai pu travailler dans l'espace directement et j'ai décidé de prendre les deux espaces, la petite galerie et la grande galerie, pour faire une sorte d'œuvre où il y avait un accès dans la grande... En fait, la grande galerie, je me suis dit, c'est ma première idée, je vais bloquer l'espace mais au niveau du sol, mais on va pouvoir avoir accès dans la grande galerie à travers la petite galerie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de plateforme surélevée avec un escalier qui monte dans la petite galerie. J'ai défait le mur qui séparait les deux espaces. Ouais. Puis on monte sur une plateforme, on voit les bureaux, finalement. On voit même la rue au-delà des bureaux. Puis après ça, on redescend dans l'espace de la galerie principale. Donc, en fait, c'est une sorte d'expérience architecturale. Fait que j'avais une idée au départ, au début de l'été, là, justement, de construire cette espèce d'espace qui va de la petite galerie à la grande galerie. Mais sinon, la configuration finale... Je savais pas exactement ce que ça allait donner. J'ai comme essayé des choses au fur et à mesure que je travaillais dans l'espace. C'est ça, j'entendais. J'écoutais une entrevue que tu as faite à Sequoia, où tu disais, c'est une forme d'architecture empirique. Donc, par expérience, on va modifier les choses. Puis, c'est quelque chose qu'on n'a plus actuellement dans l'architecture. Non, en fait, c'est parce que c'est compliqué de faire ça. C'est correct pour une exposition temporaire comme ça, mais quand on travaille avec des normes de construction, il faut respecter il y a toutes sortes de contraintes budgétaires aussi à respecter, ça devient très dispendieux. Moi, en fait, vu que je travaille avec des matériaux simples, je travaille souvent avec des structures en bois, des fois en acier, recouvertes de contreplaqué, je veux dire, c'est vraiment de base. Ça me permet justement de récupérer les matériaux d'une part, mais aussi de faire des ajustements facilement. Tu sais, il n'y a pas de colle, il y a juste des vis. J'essaie des choses, je défais, je recommence, je regarde de quoi ça a l'air. Je demande aux gens d'en faire usage, de se déplacer. Je vois comment ça fonctionne, je le fais moi-même. Puis je vérifie finalement de façon empirique. Puis après ça, j'ajuste au fur et à mesure. Mais c'est quand même... en fait, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi, l'expérience du spectateur, mais c'était une expérience assez déstabilisante là, dans le cas de l'œil de poisson, parce que l'espace qu'on connaît n'est plus... Ouais. C'est vraiment un tout nouvel espace qui... il faut monter l'escalier. On est sur une passerelle. Donc, comme tu dis, on voit dans les bureaux, mais on voit le sol aussi. Mm-hmm. Puis après ça, on arrive dans la grande galerie. Puis on a une espèce d'espace comme tout en courbe qui descend vers le fond. Les réactions des gens, c'était quoi? Comme pour vernissage? Les réactions, je pense qu'il y a comme deux moments. Le premier moment, c'est un peu d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de rampe pour protéger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a quelqu'un toujours à la porte de l'exposition pour aviser les gens et leur dire de pas laisser les enfants monter. Donc il y a comme quand même une inquiétude. Là, on est dans quelque chose un peu particulier. Puis après ça, la minute qu'on rentre dans la grande galerie, même si l'espace est courbe, c'est rassurant parce que tout d'un coup, il n'y a plus moyen de tomber. Là. Mm-hmm. J'ai pas voulu que ça soit déstabilisant comme tel parce que, oui, je veux que ce soit une expérience qui est inédite. Là, donc, je veux pas refaire quelque chose qui correspond simplement à ce à quoi on est habitué avec l'architecture. Mais en même temps, je veux qu'on puisse en faire usage de façon détendue, mm-hmm. sans trop y penser. Donc, finalement, on arrive dans un espace qui est peut-être nouveau, mais on peut finalement se promener, déambuler, s'asseoir. Il y a des gens qui s'assoient pour lire un livre. Il y en a qui apportent leur ordinateur. Il y en a d'autres qui font juste regarder, puis ils virent de bord en se disant, où sont les œuvres? T'sais, parce que dans le fond, c'est très vide. Là. Il y a peu de choses. Il y a pas d'objets dans la salle. Il y a juste un espace qui est configuré. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être déstabilisant initialement, là, parce qu'on l'espace, surtout si on est habitué à l'espace, de l'œil puis qu'on a vu d'autres expositions dans le même lieu. Mais je pense qu'on s'habitue quand même relativement vite à ce nouvel espace, puis on peut se l'approprier et puis en faire ce qu'on veut. Là, parce que moi, en fait, je configure des espaces pour qu'on en fasse un usage ou qu'on se déplace dedans, tout ça, mais je détermine pas ce que les gens vont faire avec. Il y en a qui peuvent s'asseoir, par exemple, quand il y a une espèce d'accès de la petite galerie à la grande galerie, il y a comme un rebord là, qui est, sur lequel on peut s'asseoir. Il y en a qui s'assoient là, qui regardent d'autres personnes passer. Il y en a d'autres qui... J'ai vu des enfants là, qui étaient accompagnés de leurs parents, qui, le soir du vernissage, qui roulaient sur la pente parce qu'ils aimaient ça. C'est comme une pente un peu particulière. Les enfants aiment ça, ils se mettent par terre puis ils roulent. Fait. On peut faire toutes sortes de choses. Il y a eu d'autres activités qui ont été organisées aussi, comme pour la journée de les journées de la culture, oui, vendredi dernier. Ouais, il y a eu des vidéos qui ont été présentées. Donc, ça devenait comme une salle de cinéma temporaire. T'sais. Donc, il y a toutes sortes d'usages comme ça. Tu parlais tantôt, tu sais, il y a rien à regarder à proprement parler. Moi, il y a l'espace à expérimenter. Ce minimalisme-là, j'imagine, qui sert tout naturellement ta réflexion, là. Ben oui, mais pour moi c'est pas disons un minimalisme stylistique, c'est-à-dire que j'ai pas réellement d'envie de faire quelque chose qui est épuré juste parce que c'est comme un look là pour avoir quelque chose qui est comme une sorte d'aspect formel là. En fait, c'est simplement que j'essaie de configurer des espaces qui fonctionnent avec peu d'intervention, tu sais. Donc par exemple, dans ce cas-ci, j'ai voulu que ça fonctionne simplement avec l'idée d'auteurs différentes. Donc on arrive, puis là il y a quelque chose qui sépare l'espace, la hauteur en deux. On voit carrément à la mi-hauteur une espèce de bande là, on sait pas encore qu'on va pouvoir marcher dessus, qui sépare l'espace de 15 pieds de haut. Donc ça fait 7 pieds et demi, ensuite 7 pieds et demi. Puis là, tout d'un coup, on passe sous cet espace-là, ça devient comme la hauteur, ça nous écrase. Si on passe sous ça, c'est comme un toit. Si on se sent protégé, bien, je l'écrase dans le sens qu'on se sent vraiment comme que la hauteur, tout d'un coup, a changé. Ouais, après, on monte l'escalier, puis whoop, on retrouve la même hauteur qu'on avait au sol, mais plus haut. Puis après ça, on arrive, puis on regarde dans les bureaux, puis on voit non seulement le sol, on voit le sol dans l'entrée aussi, mais dans les bureaux, on le voit plus loin, on voit au-delà de ça, on voit la rue en bas. Puis tout ça, pour moi, ça fait partie de l'expérience. Après ça, on descend dans la galerie. Puis là, on descend pas complètement. On descend simplement à une hauteur intermédiaire. Donc, finalement, la partie au bout de la salle est quand même à peu près à 4 pieds du sol. OK. Excuse-moi de travailler en pied encore. C'est correct. Je pense que .3 à peu près. Je pense qu'on connaît tous à peu près les pieds ou les mètres. Puis... Donc, finalement, au bout du compte, l'idée, c'est de travailler avec peu d'éléments. Et c'est pour ça peut-être que le résultat est toujours un peu minimaliste. Je travaille pas toujours avec les mêmes éléments, mais je travaille avec des éléments de base, des escaliers, des marches, des hauteurs standards, des murs qu'on longe, des bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Toujours très simple, disons, mais c'est carrément pour, disons, favoriser des possibilités d'usage multiples, mais à partir de prémices bien identifiées, bien balisées. J'imagine que, parce que bon, on t'a donné carte blanche pour ouvrir la saison, ça devait être vraiment stimulant de penser, bon, mais là, je vais prendre la grande et la petite galerie, qui sont des espaces quand même, sont un à côté de l'autre, mais qui sont vraiment différents. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui t'a particulièrement motivé? Oui, en fait, c'est une idée que j'avais depuis des années. Je me promenais souvent, quand je faisais le tour des galeries, puis j'allais à l'œil de poisson, je me disais toujours, ben, j'aimerais ça faire ça. J'avais déjà exposé à l'œil de poisson en 2003, puis j'avais pas fait ça, là. Puis depuis ce temps-là, ben, pas depuis ce temps-là, je dirais depuis peut-être 2008-2009, là, depuis quand même plusieurs années, je regardais ces deux espaces-là, puis je me disais, j'aimerais ça les joindre ensemble à travers une sorte de passage, mais c'était ma seule idée de départ, en fait. Au-delà de ça, je savais pas ce que j'allais faire. Puis c'était vraiment, oui, c'était stimulant parce que d'une part j'ouvrais la saison, mais aussi parce que j'avais l'été pour le faire. Je veux dire, un projet comme ça peut pas se faire dans une période de montage de 2 semaines là. T'sais. Le démontage, ça va vite, par exemple. C'est fou là. On met beaucoup de temps à préparer quelque chose. Puis après ça, pour démonter, ça va très vite. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont très précises, mais ça paraît pas quand on regarde. T'sais, on rentre là-dedans, puis ça a l'air. En anglais, on dit « effortless », là, ça a l'air d'être fait très simplement, quand on dirait que ça fait juste tomber en place, mais dans le fond, chaque feuille de contreplaqué est ajustée avec une courbe, des fois d'un millimètre, de deux, là, parce que si on a des morceaux qui se rencontrent, mais que finalement il y a une courbe, les feuilles, quand ils courbent, sont plus droites. Là. Pour qu'il y ait l'air droite, pour que les lignes de rencontre restent droites, les feuilles doivent être coupées individuellement de façon convexe ou concave. Donc, il y a plein de petits ajustements. Puis ce que je veux, justement, c'est que tout ça disparaisse. Que là, on en parle, mais au niveau de l'expérience du spectateur, je veux pas que ça a l'air lourd. Je veux que ça a l'air juste très simple. Donc, il y a beaucoup de travail pour que on a l'impression qu'il y en ait peu, finalement. C'est ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je trouvais que c'était organique comme forme. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Tu disais tantôt, les enfants roulent dessus. C'est comme si naturellement, on savait quoi faire aussi avec cet espace-là, qui n'est pas un espace qui est commun pour quelque chose de bâti. Ouais. Ben moi, je me fie tout le temps à mes propres expériences de vie. Puis quand j'étais jeune, chaque fois qu'il y avait une colline, qu'elle soit naturelle ou artificielle, là, dans la mesure où il n'y avait pas de roche ou de précipice au bout, là, je me couchais dans le gazon puis je roulais. Là. Puis mon fils le fait maintenant. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc il y a des choses qui font partie de nous, qui nous habitent, qui viennent de quoi? Peut-être de choses apprises, d'habitudes, d'expériences répétées, de gestes répétés, qu'on assimile, qu'on intègre. Puis vous disiez, on sait quoi faire avec ça qu'on arrive là. C'est un peu comme ça que je veux qu'on aborde l'espace. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toujours penser, est-ce que je suis devant une œuvre d'art? C'est quoi l'importance, la pertinence de ça en tant qu'art? Moi, j'aime ça que finalement, on en fasse un usage qui est comme pas sans penser ou sans réfléchir, mais qui vient naturellement un peu. On n'est pas toujours sur un mode réflexif et critique, mais qu'on peut habiter des lieux sur un mode plus normal ou plus, pas inconscient, c'est quoi le mot que je cherche? Instinctif, ouais, disons. Un mode plus intuitif, un peu comme quand on s'assoit à une table, on rentre la chaise, on y pense pas, on n'est pas en train de se dire « je mets mes coudes sur la table » ou « je mets mon derrière sur le fond de la chaise » ou quand on passe dans un cadre de porte, on se cogne pas dans le cadre de porte, mais on n'est pas en train de dire « faut que je fasse attention pour pas me cogner dans le cadre de porte ». Tout ça vient naturellement parce que ça fait partie de notre vie puis de nos expériences d'avoir agi, puis bougé, puis utilisé l'espace bâti, puis l'espace architectural depuis notre enfance. Puis je veux m'insérer là-dedans un peu. Donc il y a une partie de l'expérience qui soit peut-être plus particulière, dans le sens où c'est peut-être inédit comme expérience, donc on est devant quelque chose de singulier, mais surtout je veux qu'on ait une autre partie de l'expérience vraiment importante où on l'aborde naturellement sans trop se poser de questions finalement. En terminant, Alexandre David, trois artistes de Toronto de ta sélection sont présentés dans l'entrée vidéo. Pourquoi ces artistes-là? Pourquoi des artistes de Toronto aussi? Bon, d'une part, j'ai choisi des artistes dont le travail se rapporte d'une autre manière à l'architecture. Joe Hambleton, c'est comme des souvenirs. Yam Lau, c'est l'architecture de Hong Kong, une architecture qui a une grande texture. Et puis, Diane Borsato, c'est des gens qui travaillent, c'est des apiculteurs dans des milieux urbains, qui travaillent avec dans des espaces urbains qui sont très importants dans cette vidéo. J'ai voulu, puisque je travaille moi aussi avec quelque chose où une sorte de familiarité avec l'architecture est importante, j'ai voulu avoir quelque chose de complémentaire, mais différent. Mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de bons artistes à Toronto, puis on les voit peu à Québec, donc j'ai voulu faire comme... C'est une pierre deux coups, là. Ben voilà. Ensemble d'Alexandre David est présenté à l'œil de poisson. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on a jusqu'au 5 octobre. L'émission tire à sa fin. Enfin, il nous reste tout juste une minute. En terminant, je vous invite à deux vernissages. Ça vous prend le don de Bucuté ou à tout le moins, les deux sont au centre-ville. Vous pouvez passer de un à l'autre. Le premier, c'est donc le 3 octobre à 17h, vernissage à l'espace Galerie Sherpa, l'exposition de Geneviève Lapierre, Porter les possibles. Puis à 17h, c'est le vernissage de Michael A. Robinson au lieu. Une exposition qui est vraiment d'actualité, qui s'appelle Mesures d'austérité. Voilà, l'émission est déjà terminée. Je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Puis, je vous laisse entre les très bonnes mains de Gilles Chaumel et qui vous mettra dans les oreilles son folk d'Amérique.